c'est pas à la portée de tout le monde non plus. C'est Guillermo Guise. Ah ouais. Ça va, Guy? Ça va, Guy? Ouais, je cherche la bombe. T'as retrouvé ton texte ou pas? Ouais. Ça va, les amigos? Ouais. Moi, j'aime bien faire papier de midi 20, parce que c'est plus court et tout, et puis rapport au titulaire habituel, t'as pas la pression de la qualité, comme ça. Je parlais de ça avec Jean-Baptiste, notre rédac chef toxicomane, et il me disait, le midi 20, il n'y a qu'une consigne, éloigne-toi le plus possible de l'univers de Daniel, quoi. Et j'étais là, Daniel, il a un univers. Vraiment, c'est... Quand tu me connais, je suis pas un ayatollah la sémantique, mais tu me fais dire, Ernesto, écoute-moi, tout ce que je te demande, c'est de faire un truc que Daniel ferait jamais. Je fais quoi? Du sport? Et c'est vrai que la dernière fois que Daniel a fait du sport, l'activité s'appelait pas encore du sport. On disait juste, n'irions-nous pas nous dépenser? Tu vois, c'est encore il y a longtemps. Et justement, j'ai repris le sport. Oula, toi? Tout ça, tout ça pour oui, ça. Elle était longue, cette intro. Putain, elle était longue, cette intro. Je te donne un tiers de mes droits d'auteur. Si je peux t'aider. Non, j'ai repris le sport, je tenais à le dire à l'antenne parce que je crois que j'ai des amis qui me voient maigrir et ils osent pas trop demander ce qui m'arrive. Dans leur tête, ils disent cancer, sida. Il aura pas volé en tout cas, vraiment, tu vois. Okay, non, bon, franchement, c'est vrai en plus. La tia tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Dit, je jure. Vraiment. J'ai repris le sport parce que j'ai une grosse. Quelqu'un t'a vraiment dit ouais, ça? Daniel. Ah oui, Daniel. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, c'est vrai en plus. J'étais moi. Moi, j'ai pas dit. Non, j'ai repris le sport parce que j'ai. Vraiment porte. J'ai vu la dénonciation, la délation ici. J'ai vu une photo de moi cet été, torse nu. Putain, ça m'a donné envie de crever dans un port de pêche. Franchement. Je me suis dit, Ernesto, fils d'Ariel Dombal et d'un poisson chat, t'as 37 ans, tu pues le déclin. Mais si tu te reprends un peu en charge, il y a peut-être moyen de tenir encore une dernière chance d'avoir le corps de Laurent Romeshko, quoi, tu vois. Et mais pour ça, il faut que tu prennes un coach sportif. Et j'ai pris un coach sportif, putain, je me dégoûte. Où va s'arrêter mon embourgeoisement, quoi. Franchement, à quand une chronique? Ouais, j'ai rencontré le patron du MEDEF, un mec en or. Vraiment, c'est quoi? Il m'a offert une usine. Non, samedi, j'étais à Mérignac pour une soirée de soutien aux ouvriers de Fort Blanquefort. Histoire vraie, j'ai vu Philippe Poutou. Quoi, je lui ai fait, oh Philippe, faut que je te raconte mon histoire. Mon coach sportif, il me pousse dans mon dernier retranchement. Il m'aurait dit, ah, c'est marrant, ça fait pareil avec mon conseiller Pôle emploi, tu vois. Ça aurait été indécent de faire ce genre de blagues dans une atmosphère où les gens sont vraiment de gauche. C'est pour ça que je me suis dit, je vais les faire sur France Inter. Mais ouais. Après tout, c'est devenu la radio de Tanguy Pastiro. Un coach sportif. C'est vrai qu'il me pousse dans mes derniers tranchements. Vraiment, il y va à fond et tout. L'autre jour, il a fait des squats, petite salope et tout. Et au début, j'étais réticent. Ah, moi, dans ma vie, il n'y a personne qui me dit fait des squats. Par contre. Mais je me suis habitué. Et avant-hier, tu vois, je me suis habitué. Franchement, avant-hier et tout, je faisais du gainage, il m'a craché dessus, ça m'a donné du peps. Et apparemment, c'est une technique qui est inspirée par votre relation, Nagui Leila, quand vous motivez l'un l'autre. Je me rappelle, je suis arrivé un jour, Leïla, elle avait ses loups boutins dans votre nuque, là, tu vois. Elle disait, là, je vous jure, maîtresse, je vais faire des questions plus courtes et tout, combien de minutes? Elle disait, 8. Ok, c'est bien. Et c'est étant... 8. On n'a jamais ça dit. Va, je viens de Belgique, on l'a dit on assez. On n'a jamais dit 8. Pas qu'on dit qu'on c'est essentiel, un coach. C'est essentiel, un coach. Franchement, il m'a donné les toutes dernières techniques en tout. En plus, pour me sentir mieux dans mon corps. Vraiment, des trucs, hein, il m'a dit bien dormir, boire de l'eau, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. J'ai dit des fruits, quoi, pour les fibres. C'était ça, c'était pour les fibres. Tu vois, j'avais déjà les bases, quoi. C'est incroyable, j'avais les bases. Là, il m'a fait, faut que tu boives moins d'alcool. J'ai dit, ferme bien ta gueule. Faut pas, ils sont insultants, tu vois. Et là, ce qui est fou, c'est que j'étais même pas fit. Enfin, j'étais pas en surpoids ou quoi avant. J'étais pas en mauvaise santé, etc. Franchement, c'est juste, j'avais aucune raison de m'infliger ça. T'étais mou. Et franchement, si on avait été à 11h30, je vous aurais donné la morale de cette histoire. Allez, bonne fin d'émission. Salaud.